Un nouvel acteur qui cherche à consommer mieux a émergé avec la crise, le conso-battant. Trois scientifiques spécialistes du marketing viennent de réaliser une vaste étude sur les changements de comportement des consommateurs français. Il ressort de cette enquête que la grande distribution ne correspond plus aux attentes du conso-battant. Elle n'est plus considérée comme l'ultime rempart contre la vie chère. Le conso-battant fréquente sans honte les magasins de discount. 15% de nos achats alimentaires y sont effectués. Le conso-battant diffère souvent ses achats, attend les soldes, le déstockage. Il est obsédé par les prix, connaît bien les tactiques des marques, est très attentif à ce qu'on lui raconte. Il est éduqué et lucide. Philippe Jourdan, un des auteurs de l'enquête. C'est pas un consommateur qui condamne les marques, mais qui demande plus de transparence, de s'inscrire également dans la durée, c'est-à-dire de n'être pas là avec une innovation opportuniste, des changements de prix fréquents. Le conso-battant achète plus local. C'est probablement face à une distribution de type hypermarché qui ne correspond plus tout à fait à ses attentes ou à son style de vie. Le consommateur a une double réaction. La première, c'est qu'il s'est mis à comparer les prix et qu'il s'est aperçu que les hypermarchés n'étaient pas nécessairement les moins chers. Il a également porté un regard beaucoup plus critique sur les fausses promotions. Il est parfois assez surprenant de voir, par exemple, qu'un paquet familial ou qu'un regroupement de produits en lot vous coûte plus cher que l'achat à l'unité ou l'achat dans un conditionnement plus classique. Et cela, le consommateur réagit. Il achète plus local, il fréquente son épicerie de quartier, des circuits courts. Est-ce qu'il y a une véritable volonté de consommer éthique ? Les thèmes de l'éthique, les thèmes de la consommation durable, la préoccupation sur le recyclage, on sent que ces thèmes ont de plus en plus de résonance chez le consommateur. Pour autant, il y a toujours l'argument du prix. Lorsque le produit éthique, le produit bio, le produit durable est vendu plus cher, il y a toujours une résistance du consommateur à payer plus cher.